Arnaud Dupin, doctorant sous ma direction, qui travaille sur la fin du Parti socialiste SFIO, sur la période 1959-69, et contrairement à ce qui était annoncé sur le mail, hein, où il était question en 1939. Donc il est en troisième année de thèse, année de thèse, puisqu'il est aussi professeur au collège dans la banlieue parisienne depuis 3 ans. Donc il mène cette recherche tout en enseignant dans le secondaire. Voilà, il a le CAPES d'histoire et géographie, il avait fait ses études à... Une très grande partie, d'ailleurs j'étais sous la direction de M. Réchin il y a quelques années me semble-t-il, mais c'était... M. Réchin était aussi dans le laboratoire, mais il me connaît surtout comme amateur de Trajan et d'Adrien. Donc c'est un petit peu... il y a quand même un grand saut dans l'histoire, mais bon, somme toute... Vous avez la parole pendant une demi-heure. Donc, premièrement, j'aimerais bien commencer, comme toute bonne introduction, par quelques rappels. Donc, dans notre esprit, la SFIO, ça a laissé quelques traces. Quelques mots peuvent résonner comme qu'il y a un parti qui est sclérosé, un parti immobile, un parti de notables. Mais cette légende noire, puisqu'on peut parler quand même d'une certaine légende noire qui poursuit ce parti, ne doit pas donc nous faire perdre notre sujet, donc, qui était la SFIO dans les années 60, je précise bien 60, donc entre 1959 et 1969. Et donc, on va essayer de voir si ce parti donc, est condamné à disparaître, puisqu'il faut savoir quand même qu'il disparaît en 1969, ou si, même si dans cette... Même si, même, ou alors, on va essayer de voir si dans cette décennie, on ne peut pas sentir les germes d'un certain renouveau socialiste. Donc, cette vieille maison, comme pour reprendre l'expression de Léon Blum, n'attire pas beaucoup les historiens, il faut bien le dire. Donc, surtout cette vieille maison dans les années 60. Si on reprend un classique d'Alain Bergougnoux et Gérard Grumbert, donc, qui s'appelle « Les socialistes français, le pouvoir, l'ambition et le remords », pour eux, pour ces auteurs-là, le parti dans les années 60 est condamné à disparaître en 1969. On a une période de déclin politique, idéologique et électoral. Et même au niveau de ses membres, on a une importante baisse. Donc, pour ces auteurs-là, c'est fini pour la SFIO. Le parti de Jaurès et de Blum est condamné à disparaître. On a la grande synthèse des gauches pour poursuivre très rapidement sur l'historiographie. On a une autre grande synthèse qui s'appelle « L'histoire des gauches » de Jean-Jacques Becker et Gilles Condard et qui ne traite notre période que donc dans un article, et cet article ne fait qu'une demi-page sur les années 60. Et pour terminer, on a eu une grande synthèse de Jacques Julliard qui s'appelle « Les gauches françaises » qui évoque très peu la SFIO. Donc vous voyez qu'on ne s'inscrit pas dans un courant historiographique très fort, on n'a pas des historiens qui ont beaucoup travaillé sur les années 60. Donc on peut se demander pourquoi j'ai choisi ça. Après tout, eh bien quand même, même si effectivement la SFIO dans les années 50 connaît une période de déclin, elle reste quand même un parti important, un parti majeur même, je dirais, de la 4e République. Et à ce titre, elle se situe donc au centre d'événements qui vont modifier de manière très importante le jeu politique français. En effet, depuis 1945, depuis la libération, le parti majeur à gauche, c'est quand même le parti communiste. C'est la période entre 1945 et 1900, les années 60, c'est vraiment le parti important, celui qui a une position dominante. Mais juste avant le début de notre sujet, il ne faut pas oublier qu'en 1956, il y a à la fois la déstalinisation, donc le rapport du camarade Khrouchtchev, et en plus il y a les affaires de Hongrie, donc ce qui fait que le PC est quand même voit sa position de dominante s'affaiblir, donc on commence à comprendre que l'unité de la classe ouvrière ne peut plus se faire uniquement sur la base du communisme, les communistes prennent conscience qu'ils ont besoin de partenaires. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'en 1956, donc juste avant le début de notre sujet, Guy Mollet, donc le secrétaire général de la SFIO depuis 1946, eh bien, il est le chef d'un gouvernement, ce qu'on appelle le Front Républicain, donc entre 1956, entre février 1956 et juin 1957, il est le chef du gouvernement. Et donc, il est amené à prendre des décisions difficiles, sur, parce qu'il faut oublier qu'on est en pleine guerre d'Algérie aussi, donc il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et donc, face à ces décisions difficiles, que ce soit au niveau de la torture, au niveau de l'exercice des pleins pouvoirs, eh bien, au sein du parti, il est contesté. Il est contesté, il y a une minorité qui commence à se former. Donc, cette minorité, elle est plurielle, elle n'est pas unie, mais il y a une minorité qui commence à se faire jour. Enfin, en 1958, il ne faut pas oublier que c'est la fin de la 4e République, que le général de Gaulle arrive au pouvoir, et donc et le parti va se diviser à nouveau, puisque pour l'investiture, il y a de très longs débats au sein du parti, et il y a 42, donc là on est au niveau des parlementaires, il y a 42 parlementaires qui vont voter pour l'homme du 18 juin, et il y en a 49 contre. Donc, et en plus, dans les jours suivants, il y a le gouvernement qui est formé, enfin il est formé un petit peu avant le vote, bien évidemment, donc il est formé fin mai 1958, et donc ce gouvernement comporte des membres de la SFIO, il y en a 4, donc la SFIO est prise dans la crise du début de la 5e République, et en plus on a le secrétaire général de la SFIO qui va participer à la rédaction de la Constitution. Donc on a, donc durant ces événements, parce qu'il faut se rendre compte que l'année 58 c'est en quelques jours, quelques mois, on a donc la SFIO, une partie des dirigeants de la SFIO qui participent à la naissance de la 5e République. Donc il y a la minorité qui avait commencé à se faire jour donc sous le gouvernement du Front Républicain des années 56-57, et bien cette minorité, il y a certains des membres de cette minorité qui vont partir, qui vont quitter la SFIO et qui vont donc fonder ce qu'on appelle le Parti Socialiste Autonome. Ils espèrent ainsi, parce qu'ils considèrent que le socialisme s'est fourvoyé dans la SFIO, donc ils espèrent revenir aux racines du socialisme. Donc, au début de notre sujet, on a la famille socialiste qui est éclatée. On n'a plus les socialistes qui ont un seul parti. Il y a deux partis socialistes en France. En plus, si on continue, il y a aussi en 1962 la naissance l'élection du suffrage universel, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ce qui va poser de nombreux débats dans la SFIO. Et dernièrement aussi, il y a un événement inattendu qui va, inattendu du moins pour les acteurs politiques, qui va poser un certain nombre de problèmes dans les organisations politiques en général, mais dans la SFIO en particulier pour notre sujet, c'est mai 1968. Donc vous voyez que la décennie que j'ai décidé de traiter, il y a plein d'événements dans lesquels la SFIO est prise, et donc il y a de très nombreux défis auxquels elle doit répondre. Premièrement, il y a le pouvoir gaullien qui est là. Donc il y a ce qu'Alain Bergougnoux et Gérard Grandbert définissent comme le défi gaulliste. Donc le défi gaulliste, parce qu'il faut savoir que le général de Gaulle, il impose un exécutif fort. En plus, il y a ce problème de l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc, il y a ces données-là, constitutionnelles, politiques, et en face, qu'est-ce qu'on a? On a un parti, la SFIO, qui a une vieille histoire démocratique et parlementaire. Donc, il va y avoir un problème, et justement, un des intérêts de notre travail, ça va être de voir comment les socialistes, les membres de la SFIO, vont appréhender cette nouvelle donne constitutionnelle, et comment ils vont participer à cette république où il y a un pouvoir exécutif fort, alors que eux sont attachés, notamment le secrétaire général, sont attachés à un pouvoir parlementaire fort. Donc là, il y a un premier problème. En plus, deuxième problème, à la fin des années 50. La SFIO, elle apparaît comme un parti monolithique qui est quand même arc-bouté sur des positions marxistes, parce qu'il faut savoir que la SFIO, dans les années, à la fin des années 50, est encore marquée par le marxisme, et en plus, elle perd de nombreux adhérents. Et en plus, suite à ses problèmes internes, elle a un rival socialiste, le PSA, qui va après se transformer en PSU. Donc le PSA, c'est le Parti Socialiste Autonome, et le PSU est créé en 1960. C'est ce qu'on appelle le Parti Socialiste Unifié, qui compte, lui, bien face à une SFIO fossilisée un petit peu, si l'on veut utiliser un terme fort, mais qui lui veut relancer le débat à gauche. Donc, est-ce que la SFIO, face à ce Parti Socialiste Unifié, à ces marches socialistes, à ces clubs, à ces organisations qui réfléchissent, est-ce que la SFIO, elle est vraiment condamnée, comme certains auteurs nous le disent, est-ce qu'elle est condamnée à disparaître en 1969, vraiment, il n'y a plus rien à faire, ou est-ce que dans les années 60, un peu à rebrousse-poil de l'historiographie officielle, est-ce qu'il n'y a pas quand même des germes de renouveau? Est-ce que la SFIO est morte, intellectuellement morte, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même, et politiquement morte, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des germes de renouveau? Qu'est-ce qu'elle peut apporter au débat? Dernier gros enjeu, à partir des années, de la fin des années 50, les communistes ne sont plus regardés par les socialistes, donc par la SFIO, comme uniquement comme l'œil de Moscou, mais les socialistes n'ont pas perdu l'espoir de réaliser l'union de la classe ouvrière et n'ont pas perdu l'espoir de réaliser l'union de la gauche. Donc, justement, l'intérêt de notre travail aussi, ça va être de voir quel est le comportement de la SFIO face au parti communiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être sa stratégie et comment la SFIO va participer à l'union de la gauche. Donc ça, c'est si on voulait faire une sorte d'introduction. Alors, au niveau des sources, je vais aller assez vite. Donc, il y a les sources officielles, évidemment. Alors, il y a premièrement, au niveau des sources, il y a les documents officiels de la SFIO, ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, y a tous les congrès nationaux, il y a tout. Enfin, si on va aller vite, il y a tout. C'est tout ce que la SFIO publie de documents officiels. Ça, c'est incontournable pour pouvoir traiter le sujet. Ensuite, au sein de la SFIO, je parle de la SFIO en tant que parti ou en tant qu'organe parlementaire, parce qu'il y a des groupes parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, qui ont laissé des archives. Ensuite, il y a des personnalités de la SFIO qui ont laissé des fonds d'archives. Donc, il y a par exemple Guy Mollet, le secrétaire général de la SFIO entre 1945 et 1969. Donc, quand même, il a laissé des choses importantes. Il y a ce que je suis en train de faire en ce moment. Il y a le secrétaire général de la SEN, donc, parce que la SFIO est organisée par fédération. Donc, le secrétaire général de la SEN qui s'appelle Claude Fussier, qui a laissé un fonds d'archives que je pourrais qualifier d'encyclopédique. Donc, c'est ce que je suis en train fouiller en ce moment. Il y a toute la presse du parti, évidemment, puisque il y a des journaux, Le Populaire, où aussi on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler des tendances, enfin des clubs au sein de la SFIO qui des organes de pensée, qui éditent des journaux. Il y a ensuite des personnalités socialistes qui écrivent. Les socialistes aiment bien écrire sur leur politique. Donc, il y a différentes personnalités qui ont écrit des livres. On peut citer Gaston Defer, Pierre Mauroy, des gens qui ont été au cœur de la politique de la SFIO. Il y a aussi des historiens militants. Donc, il y a Jean Popren aussi, qui a écrit « La gauche française entre 1958 et 1965 ». Bon, il est extérieur à la SFIO, mais c'est quand même un historien militant au cœur des réflexions socialistes. Ensuite, il y a des personnalités. Ensuite, donc, après 1965, compliqué pour les non-initiés, mais après 1960, donc en 1965, il y a la SFIO qui fait partie d'une structure qui s'appelle la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui comporte le parti radical, la SFIO et la Convention des institutions républicaines, donc le parti de François Mitterrand. Donc la SFIO fait partie de cette structure donc, de renouveau de la gauche dans les années, au milieu des années 60. Donc cette gauche, la SFIO fait partie, donc il faut regarder ces archives aussi. Donc ça en fait beaucoup de travail. Alors, quels sont les premiers résultats globalement avec le temps qui m'est imparti pour chercher? Alors, premièrement, moi, c'est personnellement, c'est la première fois que je parle publiquement de mon travail, donc j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc, je distinguerai premièrement une période qui va de 1900. Donc, je traite un petit peu. Donc, 1959-1962. Alors, la période étant très riche et on ne peut pas passer à côté de 1958. Donc, je pense que peut-être que la borne chronologique de mon travail sera à revoir. Mais ça, j'y répondrai tout à l'heure s'il y a des questions sur ça. Donc, globalement, la réponse la réponse de la SFIO au défi. Gaulliste. Je m'entends bien sur le terme défi gaulliste. J'entends à la fois le fait donc que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 pour essayer de mettre fin au problème algérien. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une conception du pouvoir très précise qu'il a exposé depuis longtemps. Donc lui, il est pour un exécutif fort. Et la SFIO, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle se pose plutôt comme un parti démocratique et un parti parlementaire. Donc, dès le départ, je dirais que dès le départ, donc dès mai 1958, elle se pose comme le parti du salut de la République. Dès les premiers jours, le comité directeur, c'est-à-dire l'organe central quand même de la SFIO, se pose comme le sauveur de la République. Donc invite toutes les manifestations, toutes les forces démocratiques et républicaines, donc tous les partis politiques, qui sont inscrits dans le jeu parlementaire, en dehors du parti communiste, bien sûr, et des partisans du général de Gaulle. Donc la SFIO essaie de relancer un bloc de partis qui est, alors plus que des partis, il y a aussi des syndicats, donc FO, Force Ouvrière, la CFTC, donc la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, donc il y a et des associations aussi, donc il y a elle essaie d'impulser une politique, une dynamique de sauvetage de la République. Alors, en prêt, elle est prise, donc c'est ce que j'appellerais le salut, la SFIO comme salut de la République. Donc, après, il y a tout ce qu'on sait, la participation des parlementaires, enfin, des dirigeants au gouvernement. Il y a les élections législatives où le parti s'agrège à la majorité gaulliste. Donc en 1958, la SFIO se pose comme un parti qui va aider à sauver la République. Mais dès 1959, elle va entamer une période d'opposition. Donc durant cette période d'opposition, elle va lancer toute une série de consultations, de contacts avec les partis les partis républicains et démocrates. Donc elle va essayer de définir à l'intérieur, donc entre les deux bornes qui sont le parti communiste et le parti gaulliste, elle va essayer de définir un champ politique républicain. Donc elle va lancer des contacts. Alors il y a des contacts qui vont être noués, évidemment. Bon, ça reste à approfondir, mais il y a quand même des éclaircissements, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui vont ne pas vouloir s'allier à la SFIO. Il y a, par exemple, le PSU qui va rester qui en 1961 n'est pas très favorable à l'unité avec un rapprochement avec la SFIO. Donc il y avait eu des rencontres qui avaient été mises en place et le PSU s'éloigne et la SFIO donc ne rencontre plus le PSU. Ensuite, il y a les syndicats, ça ne donne pas forcément beaucoup de choses. Par exemple, Force ouvrière va chercher à s'autonomiser par rapport à la SFIO et la Fédération de l'Éducation nationale, qui est un syndicat qui est très divisé, eh bien, ils vont se séparer aussi globalement de la SFIO. Donc la SFIO essaie de se donner une image donc de sauveur de la République, mais elle n'y arrive pas forcément. Elle va essayer pour conserver cette image de sauveur de la République, elle va essayer de se regrouper et d'amorcer un regroupement autour de valeurs républicaines comme la laïcité par exemple, mais même cette laïcité ne va pas être un facteur de regroupement puisque le MRP va se détacher, donc le mouvement républicain populaire va se détacher puisque lui il n'a pas la même lecture de la laïcité que la SFIO. Donc malgré ces efforts d'ouverture, on a vu, alors il y a des efforts d'ouverture qui ne sont pas forcément suivis d'effets, malgré ces efforts d'ouverture à d'autres partis, à d'autres mouvements, on a quand même une période où le parti va être dur, c'est-à-dire que le parti parti va rester accroché à sa lecture marxiste. Donc les efforts de réforme du parti ne vont pas être importants puisque par exemple on a des colloques qui vont être donc de renouveau de la pensée socialiste qui vont être organisés donc par exemple en 1961 par le syndicat CFTC, ce n'est pas le parti qui va y participer, mais ce sont des personnalités du parti qui vont y participer à titre personnel. Donc il n'y a pas une ouverture d'esprit très importante. Ensuite, au sein de la SFIO, Jules Moc, donc un socialiste, va lancer donc un groupe d'études doctrinales, mais ce groupe qui va essayer donc d'influer sur la politique du parti ne va pas tellement réussir puisque le secrétaire général qui est le premier des militants, va rester attaché à la lecture marxiste de l'histoire et de l'économie. Et donc, même si ce groupe avait essayé d'imposer des réformes de pensée, ils ne vont pas y réussir. En plus, cette période, elle est marquée par des questions de discipline, elle est marquée par des questions d'exclusion du parti. Et le comité directeur en vient même à définir des titres de presse qui sont évités. Donc on a un certain raidissement de la SFIO dans ces années-là, mais on a quand même une SFIO qui a été marquée douloureusement par la scission du mouvement socialiste. Et donc commence à se poser la question dans ces années-là, dans ces années 59-62, comment on va laisser la parole aux minoritaires, parce qu'il y a des minoritaires qui étaient quand même opposés à Guy Mollet et qui sont restés dans le parti. Donc, quelle place on va leur laisser? Donc, il y a une proposition au comité directeur qui dit que ceux qui obtiendront au moins 20% des suffrages donc sur les motions déposées au Congrès auront des représentants dans les instances. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé. Reste à vérifier comment ça se matérialise humainement dans les sphères dirigeantes du parti. Ensuite, deuxième pan de l'étude, il y a donc tout le problème que va poser le suffrage universel direct, puisque il va y avoir Donc, à partir de 1962, donc il y a la réforme constitutionnelle qui met en place l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc, donc quelle va être la réaction du Parti socialiste de la SFIO? Donc, il va y avoir, premièrement, pendant même la campagne du référendum, donc avant l'adoption du référendum, il va y avoir un essai de rapprochement des socialistes avec d'autres partis, c'est par exemple les radicaux, et ces efforts d'ouverture vont se concrétiser notamment par l'existence de colloques pour essayer de renouveler la pensée de gauche, donc notamment organisé par Georges Brutel, qui est le secrétaire général adjoint. Donc c'est ouvert aux autres organisations de gauche et aux membres de clubs et de syndicats, les clubs étant des organes de pensée qui essaient de renouveler la pensée de gauche. Donc il y a un essai quand même de renouvellement de la pensée, mais le marxisme demeure quand même la référence dominante. Donc c'est pas, ça porte pas trop ses fruits sur la politique de parti, mais il me reste à mesurer quand même quels sont les impacts de ces essais sur la politique du parti. Ensuite, il y a la position de la SFIO qui va donc se renouveler par rapport au communisme, puisque il y a les premiers, il y a le Guy Mollet en 1962 lors des élections législatives qui préfère que faire élire des candidats communistes, donc il préfère faire élire des candidats communistes que des candidats imposés par les candidats présentés par l'UNR, donc le parti de Gaulle. Donc il va y avoir des discussions qui vont s'engager. Alors ces discussions, donc il y a une certaine ouverture, mais ces discussions, elles vont être toujours, même s'il y a une ouverture, elles vont être quand même toujours dominées par la discussion idéologique, c'est-à-dire que les socialistes ne conçoivent pas pouvoir, ne serait donc, avant, parce que certains à gauche, en dehors de la SFIO, voudraient le rapprochement entre les socialistes et les communistes, mais les militants de la SFIO, les dirigeants de la SFIO ne conçoivent pas de discuter d'un programme sans avoir avant mis à plat toutes les différences idéologiques. Donc même s'il y a un essai d'ouverture, un essai de discussion, il faut toujours commencer par les discussions d'ordre idéologique. Donc on est dans cette période d'ouverture. Il y a certes des discussions idéologiques, certes, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi ce que Denis Lefebvre appelle la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des organisations, il va y avoir des actions alors ponctuelles, il va y avoir par exemple la Ligue nationale contre la force de frappe française, il va y avoir les participations à des colloques qu'on appelle les colloques TORP. Donc il y a toutes quand même des instances dans lesquelles les communistes et les socialistes vont se côtoyer. Il y a même, alors j'ai trouvé ça dans la Fédération de la Seine, donc ça reste encore à vérifier, mais il y a même donc une association de défense des libertés locales qui se met en place, et on retrouve donc des socialistes et des communistes et même d'autres partis politiques démocratiques et républicains qui s'allient. Donc on commence à prendre on commence quand même dans ces années 62-65 à commencer à parler, à communiquer ensemble. En plus, dans les années, dans 1965, alors toujours dans, alors pas que dans le département de la Seine, mais c'est au niveau municipal, on a même des alliances, alors à géométrie variable, mais la SFIO s'ouvre aux autres partis. Par exemple, Guy Mollet s'allie à Arras avec le MRP, alors que, donc les démocrates chrétiens, alors que d'un autre côté, on a à Grenoble, par exemple, la SFIO qui s'allie avec son rival socialiste, le PSU. Donc on commence quand même à avoir ce qu'on appelle une vie quotidienne, c'est-à-dire à avoir donc des rapprochements entre les différents partis de gauche et même au-delà. Donc on a aussi, ben dans cette période 62-65, on a une période où on a un renouvellement quand même de certains cadres. On a par exemple Pierre Mauroy qui rentre dans les instances dirigeantes de la SFIO. Et on a en plus Guy Mollet qui commence à se poser des questions. Est-ce que Guy Mollet, qui suis secrétaire général depuis 1946, est-ce que moi, ben, je suis toujours à même de pouvoir mener les socialistes vers la réalisation du socialisme en France? Donc même Guy Mollet commence à s'interroger, donc, et il s'interroge aussi sur la viabilité de la SFIO pour répondre aux défis des années 60. Donc la SFIO s'interroge sur elle-même, donc on est quand même dans une période d'ouverture et de réflexion. En plus, on a donc en 1963, on a la campagne de, parce qu'on a les premières élections présidentielles qui ont lieu en 1965. Donc on a en 1963 Gaston Defferre qui, enfin sous le nom de Monsieur X, mais donc Gaston Defferre qui commence à lancer sa campagne présidentielle. Il forme un collectif, donc Horizon 80, dans lequel, eh bien, les socialistes, parce que Gaston Defferre, c'est un membre de la SFIO, donc on pourrait imaginer que pour une campagne présidentielle, il s'appuie vraiment sur le parti pour mener sa campagne. Or, il lance un comité qui s'appelle Horizon 80, qui n'est pas inféodé à la SFIO, puisque on a Gaston Defferre, bien sûr, qui est investi par son parti, mais au sein de ce comité, on a seulement Roger Quillot, donc un membre de la SFIO, qui fait le lien entre le parti et la SFIO, entre la campagne et la SFIO. Donc on voit que, eh bien, dans ces années-là, on commence à avoir un candidat, donc à l'élection présidentielle, qui prend plus de poids que le parti, donc dans le champ politique. Bon, la candidature de Gaston Defferre échoue, mais on a quand même l'élection présidentielle. Le résultat de la démarche de Gaston Defferre, c'est que présidentielle devient pour le Parti Socialiste SFIO une question essentielle. Donc on a des débats qui commencent à naître au sein de la SFIO entre donc les présidentialistes, ceux qui sont attachés à l'élection présidentielle, ceux qui leur donnent la primauté donc dans le champ politique. Ensuite, il y a ceux qui sont attachés au parlementarisme, donc qui ne voient le président de la République comme un arbitre des institutions. Donc ça, c'est Guy Mollet. Et troisièmement, on a donc dans ces années-là un débat aussi donc avec les nationaux, c'est-à-dire les nationaux, ce sont ceux qui refusent l'ouverture du parti aux autres, donc qui veulent rester attachés à la SFIO telle qu'elle existe depuis la prise du pouvoir de Guy Mollet en 1946, mettons. Donc ça, c'était le cycle 62-65. Ensuite, on a un nouveau cycle qui naît dans les années 65, puisque après le refus de Guy Mollet, de Gaston Defferre, donc de s'engager dans la campagne présidentielle, on a donc François Mitterrand qui va s'engager, et on a la formation de ce qu'on appelle la FDS, c'est-à-dire la Fédération de Gauche Démocrate et Socialiste, qui compte comme donc c'est une association de partis. Donc on a la SFIO, les radicaux, la Convention des institutions républicaines qui est le parti de François Mitterrand, et on a aussi donc des clubs, c'est-à-dire des organismes de pensée qui sont donc aux marges, qui n'appartiennent pas au champ politique, mais qui dans les années 60 vont apporter de nouvelles réflexions à la gauche politique. Donc on a cette association qui se met en place, et donc au sein de la FGDS, on a la SFIO quand même dans la FGDS. Bien entendu, ce n'est pas elle qui présente un candidat puisque c'est François Mitterrand qui se présente, mais elle garde quand même un poids important dans les instances. C'est quand même le premier parti en termes d'élus, donc c'est quand même politiquement, c'est quand même encore un parti important. Le François Mitterrand va mettre en place dans la FDS un contre-gouvernement pour faire des propositions au gouvernement du général, enfin qui est dirigé par donc enfin qui est d'obédience gaulliste. Donc on a quand même 4 membres dans cette organisation, et en plus elle joue un rôle important dans les commissions donc de la FGDS. Donc il me reste à déterminer quel est le poids exact, mais on voit quand même que la SFIO reste un parti important dans la FGDS. Donc le moment FGDS pour la SFIO est quand même c'est quand même important. Ensuite, on a donc la FGDS qui va s'ouvrir à partir de 1967, qui va s'ouvrir sur, donc qui va mettre en place un programme à partir de 1967 dans lequel la SFIO, alors moi je n'ai que la partie économique parce qu'on a une thèse sur la politique économique de la gauche, je n'ai eu le temps de lire que ça. Donc effectivement, la SFIO ne joue pas un très grand rôle dans la définition du programme, mais à partir de 1967, on a l'ouverture de négociations avec le Parti communiste, et donc on a quand même trois socialistes qui vont participer aux négociations avec le Parti communiste, et on a celui donc qui va mener les négociations, qui est Jacques Piette, et qui est quand même un socialiste. Donc les socialistes jouent encore un rôle important à gauche, dans la gauche démocratique, même si il faut quand même nuancer et dire qu'ils n'apportent pas forcément un renouveau idéologique très fort. Mais quand même, on a dans les années 60, on a deux courants qui vont quand même jouer un rôle important dans la SFIO. On a d'un côté, donc ce sont plutôt des jeunes militants, donc on a quand même des débats qui sont entre le CEDEP, c'est-à-dire le groupe de pensée autour de Pierre Mauroy, et on a le CRS, donc célèbre pour son porte-parole le plus important, Jean-Pierre Chevènement, qui essaie quand même, lui, qui est plutôt pour un marxisme renouvelé. Alors certes, cette période-là ne se marque pas par, c'est pas la période la plus propice au développement des idées, mais quand même, on note un certain essai de renouvellement entre 1965 et 1968. Alors, en 1968, se passent donc les événements de mai sur lesquels je ne reviendrai pas, mais en revanche, donc pendant les événements, donc à la suite de ces événements, donc les organisations politiques sont globalement décrédibilisées, enfin pas décrédibilisées, mais en fait, quand même, elles ont un fort discrédit dans l'opinion, tant est si bien que la FGDS va disparaître, et donc ensuite il va y avoir donc dans la gauche, il va y avoir des éloignements, la convention des instituts, donc il va y avoir un éclatement de la FGDS et entre les anciennes forces de la FGDS et les communistes, donc chacun reprend sa liberté, mais le parti socialiste, la SFIO, elle est convaincue qu'il faut la naissance d'une nouvelle organisation, donc elle va tout faire pour que donc la SFIO dans ces années-là ne va pas être endormie, mais va quand même essayer à tout prix de mettre en place donc un nouveau parti. Guy Mollet lui-même exprime l'idée que ce sera pas que si une des conditions de la mise en place d'un nouveau parti, eh bien c'est son départ, il est prêt à partir. Donc la SFIO est prête à se plonger donc dans le nouveau parti socialiste qui est en gestation, et donc la première étape, donc c'est en 1969, c'est le congrès d'Alfortville. Donc la SFIO existe encore. Alors la SFIO va vivre son dernier soubresaut en 1969, c'est la funeste candidature de Gaston Defferre, sur laquelle il faut que je revienne parce que je n'ai pas eu le temps encore de m'intéresser à cette candidature, mais donc c'est donc la dernière manifestation quand même est un échec puisque la SFIO n'avait pas compris tout à fait mai 68, et Michel Rocard fera quand même preuve de certaine ironie sur cette campagne, donc sur la vieillesse de Gaston Defer par rapport à ce qu'avait réclamé la rue en mai 1968. Donc, pour reprendre, entre 1959 et 1969, la SFIO donc, a dû répondre à de très nombreux défis. Donc, entre 1959 et 1962, elle s'inscrit donc, dans le sauvetage de la République, mais quitte à ce que l'on a vu tout à l'heure, que la réflexion dans le parti, le parti a tendance plutôt à se scléroser. Donc, on n'a pas de grandes créations pendant ces années-là. Ensuite, entre 1962 et 1965, on a plutôt une SFIO qui s'ouvre à la réflexion et aux partenaires extérieurs, mais qui ne remet pas en cause ses grands principes. Surtout le fait, c'est surtout dans la discussion avec les communistes et dans le renouveau idéologique. Mais elle se convertit quand même aux nécessités de l'élection présidentielle avec... avec la campagne de Gaston Defer. Ensuite, entre 1965 et 1968, on pourrait dire que la SFIO prend une part active à la FGDS, évidemment, qu'elle essaie d'influencer les débats, bien sûr, mais qu'elle se heurte à la Convention des institutions républicaines et à son président en premier lieu, François Mitterrand. Et en plus, on a vu... Donc, on avait quand même un essai de renouveau du débat, puisque de jeunes militants essaient de l'alimenter. Ensuite, après 1968, la SFIO quand même a bien compris qu'elle ne pourrait continuer à exister telle qu'elle est. Et elle prend vraiment, j'aimerais bien insister sur ça, elle prend une part active à la création du nouveau Parti Socialiste, donc créé en 1960. Alors, les perspectives, c'est toujours là où on est très pessimiste sur soi-même. Donc, qu'est-ce que j'envisage pour les mois à venir ? Continuer mon travail de dépouillement des fonds de Claude Fusier, puisque c'est quand même le secrétaire général de la Fédération de la Seine, qui est quand même une fédération importante, et en plus, c'est le négociateur de Guy Mollet avec le Parti communiste. Ensuite, ce que j'avais fait au départ, mais qu'il faut que je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne, donc les archives du comité directeur, puisque c'est quand même le cœur de la machine de la SFIO, et aussi les congrès. Donc il faut que je reprenne ces comptes rendus avec la problématique, parce que quand je les ai pris pour la première fois, c'était les premiers documents sur lesquels je travaillais, donc j'avais pas forcément la problématique qui m'est venue quand même un petit peu après. Ensuite, il faut que je me ouvre aussi aux groupes parlementaires, aux archives des groupes parlementaires, puisque la SFIO est un mouvement décentralisé où les groupes ont quand même une importance, voire une certaine existence propre. Donc là, il faut que je m'y mette. Ensuite, il faut que je m'ouvre aussi, je l'ai fait un petit peu, mais pas assez. Il faut que je m'ouvre aussi aux tentatives de réforme interne, intellectuelle notamment. Alors, il y a Mathieu Fula qui l'a fait dans sa thèse, mais il le prend d'un point de vue économique. Donc, moi, il faut que je reprenne les archives pour essayer d'apporter plus de politique à tout ça. Ensuite, la FGDS aussi, il faut que je m'attache à mesurer le poids réel de la SFIO dans la FGDS et mesurer l'impact de la FGDS sur la SFIO, évidemment. Et ensuite, il faut que je m'attache vraiment aussi, parce que je ne l'ai pas assez fait, à voir comment la SFIO va quand même participer à la fondation du nouveau Parti Socialiste, parce que quand même, même si on dit que c'est un parti, même si après 1968, elle sent qu'elle ne peut plus exister, eh bien quand même, elle va faire l'effort d'essayer de fonder un nouveau Parti Socialiste, et il faut absolument aussi que j'étoffe ma bibliographie, parce que je n'ai pas trop de temps. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avoue que c'est la première fois que je présente mon travail, donc c'est pas forcément ce que je voulais vous faire absolument. Je vais reprendre 2-3 éléments pour vous situer. Parce que c'est un peu complexe, qu'on est vraiment plongé dans le sujet, c'est vraiment complexe. Donc c'est un peu le but du jeu aussi, pour les doctorants et puis les jeunes chercheurs, d'essayer de comprendre un peu comment on fonctionne. Alors globalement, pour vous expliquer comment on a choisi ce sujet avec Armand Dupin et comment je l'ai orienté là-dessus, faut savoir que bon, dans le domaine de l'histoire politique de la France, qui est très en vogue depuis quelques années, notamment pour l'époque contemporaine, on est dans le trop-plein. On a beaucoup travaillé sur l'histoire des droites, très majoritairement, et l'histoire des gauches a été un peu la parente de pauvre, sauf par une entrée qui était celle de l'histoire du Parti communiste. Et l'histoire de la gauche socialiste a été peu traitée, sauf pour deux périodes particulières, celle de l'époque de Jean Jaurès, avec les études jaurésiennes, où là il y a beaucoup de richesses, et celle du Front populaire. Voilà, où mais pour la période de l'après-45, il y a très peu d'études. Il y en avait quelques-unes, une par Gilles Morin sur la naissance du PSU, et puis une autre sur les parlementaires socialistes de la 4ème République, par Noline Castanier. Or, bon, on est quelques. Donc, ensuite, c'était des études beaucoup sur le Parti communiste, et donc celui qui les développe le plus, c'est Marc Lazare à Sciences Po Paris. Alors, il se trouve qu'en discutant avec lui à plusieurs reprises, bon, quand j'ai fait mon HDR, on s'est aperçu, moi, à l'occasion de l'écriture d'un livre sur, qu'un éditeur m'avait commandé sur, en 2002 sur Chirac et Jospin, où on faisait une biographie comparée avec mon collègue de Toulouse, je me suis aperçu en allant aux archives. On croulait sous les archives, et que ces archives, elles étaient totalement inexploitées pour la période de 45 à nos jours. Alors on s'est mis à plusieurs à réfléchir là-dessus. Moi, j'ai fait mon habilitation sur le PS des années 60, de la période de 68 à 75, et aujourd'hui, il y a une quinzaine de thèses, une dizaine de thèses en cours, plus quelques-unes qui viennent juste d'être soutenues. Fabien Connor a soutenu sur les socialistes et les paysans, Mathieu Fula sur les socialistes et l'économie, tout ça pour la période de 45 à nos jours. Ismaël Ferrat travaille sur l'éducation, la socialiste et l'éducation. Arnaud Dupin, on travaille sur la fin de la SFIO. Christophe Battardi à Nantes travaille sur le programme commun de la gauche, PCPS des années 70. Donc il y a avec Marc Lazare, on a essayé d'impulser une dynamique nationale autour de ce sujet-là. Et donc, on a toute une série de travaux qui sont en train d'aboutir petit à petit depuis 5-6 ans, des thèses qui se soutiennent. Donc, il y a une dynamique historiographique collective lancée dans plusieurs universités. Il y a aussi un travail de Prigent en Bretagne qui vient d'être soutenu, sur les socialistes bretons, parce que la Bretagne a basculé à gauche. Donc, il y a eu toute cette dynamique qui s'est lancée pour essayer de relire cette historiographie. Parce que comme vous l'a expliqué Arnaud, bon, il y a eu cette crise des années, cette logique qui consistait à dire finalement, il y a eu le Front populaire, après il y a eu la SFIO, c'était la mort de la SFIO parce que Guy Mollet n'a pas su gérer l'affaire algérienne. C'est la crise et puis Mitterrand revient en 71, c'est le mythe d'Épinay. Et puis c'est la marche au pouvoir, la marche triomphale au pouvoir jusqu'en 81. Puis après, bon, on n'en parle plus trop. Donc, c'était un peu de l'historiographie officielle, comme on vous l'a dit, parce que cette historiographie-là, elle est écrite par des militants du PS, globalement. Le premier à avoir travaillé là-dessus, à avoir écrit ça, c'est Pierre Jox, un des très proches de François Mitterrand, qui, dans un petit livre sur l'histoire du PS en 73, écrit cela. Et derrière, tout le monde a repris ça. Voilà. Donc, c'est un ouvrage militant qu'il écrit pour la formation des militants socialistes en 73. Il explique, Pierre Jox, c'est un magistrat de la Cour des comptes, élu député en 73, après il a été ministre de l'Intérieur, de la Défense, chef du groupe parlementaire, c'est vraiment un des piliers, le fils de Louis Jox, lui-même premier, très proche de De Gaulle, ministre de De Gaulle à plusieurs reprises. Pierre Jox, il explique qu'en 45, il a grandi à l'hôtel Matignon, juste après la Libération, parce que son père était chef de cabinet de De Gaulle, etc. etc. Donc là, c'est vraiment une histoire reconstruite, et donc les historiens ont dit, bon, il faut sortir de là, il faut démystifier tout ça, il faut casser ces mythes et faire de l'histoire. Donc ce qu'on vous présente ici, c'est un travail dans une démarche très collective qui existe à l'échelle nationale pour essayer de resituer cette histoire des gauches plus globalement, et puis resituer ça par rapport au PC, au renouveau, etc. Donc, bon, alors c'est un peu complexe parce que, effectivement, la gauche est en miettes à ce moment-là. Et c'est ces miettes-là qu'on essaie de reconstituer. Alors la démarche qu'on vous a présentée est très, très classique, vous voyez, une historiographie qui vous est présentée, voilà, il y a un vide pour cette période, donc on va combler le vide, on se pose des questions, des sources, on vous a présenté rapidement, c'est ces sources qui dégagent la problématique et les questions, et ensuite ben, les premiers enseignements. Donc on est vraiment dans le plus grand classicisme de la recherche historique, ici. Sachant que les sources, on avait demandé à Arnaud de passer vite là-dessus avec Philippe Charrère, mais les sources, elles sont énormes. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, les sources officielles de la SFIO, elles ont été pensées dans un organisme qui s'appelle l'Ours à Paris, l'Office universitaire de recherche socialiste, où on a toutes les sources de ce parti. Hein. Je ne suis pas 100% de mon temps. Oui, voilà, on va passer tout son temps. Il y a aussi les archives du militant, ça parle du fonds de Guimolé et de Fusier. Alors, Claude Fusier était directeur du journal Le Populaire aussi. Hein, il n'était pas seulement secrétaire de la Seine, et puis c'est un pilier du Parti Socialiste. C'est quelqu'un qui a déposé son fonds, enfin qui n'a pas déposé son fonds, qui a laissé son fonds à l'archiviste de l'Ours, Denis Lefebvre, qui l'a amené là. Et moi j'ai travaillé sur ce fonds, mais qui n'est pas classé à l'heure actuelle, c'est un fonds non classé, ce qu'on appelle en histoire. Mais alors il y a tout, parce que c'est quelqu'un qui gardait tout. Et comme il a joué un rôle central dans le Parti Socialiste de 1936 du Front Populaire jusqu'à sa mort dans les années 90, mais il a tout gardé. Alors il y a des agendas, il y a des notes, il y a des carnets, il y a des journaux, il y a des revues, il y a des notes manuscrites, il y a tout. Alors le problème, c'est qu'effectivement, quand on rentre là-dedans, on ne s'en sort jamais. Alors pour l'historien, c'est une aubaine extraordinaire. Mais effectivement, il y a du travail. Alors les archives, elles sont multiples, documents officiels, faut trouver. On aurait pu ajouter, ce que vous n'avez pas dit, les archives des renseignements généraux qui observent ces parties. Le regard du pouvoir. Après, il y aurait aussi des archives orales à faire, enfin, il y aurait des enquêteurs à faire, il y a quelques archives audiovisuelles, enfin, c'est un fonds sans fin en quelque sorte. Alors, c'est la caractéristique des sources de l'histoire très contemporaine, c'est-à-dire, c'est. Naïf, on n'en finit jamais. Les méthodologies existent, donc c'est un peu l'utilité, l'historiographie est dynamique, donc votre camarade, il se situe vraiment dans cette logique-là. Qui est finalement très classique. Alors après, c'est très difficile de l'expliquer à un public de non-initié, hein, vous l'avez compris, parce que c'est vraiment... quand on connaît, pour X ou Y raison, pour nous c'est très clair, mais c'est vrai que, c'est un peu compliqué, donc je ne reviens pas sur le fond de ce que vous avez dit, je vais laisser la parole aux autres, mais globalement vous êtes dans cette logique de la construction d'une recherche dans un cadre collectif à partir de sources abondantes, pour essayer de voir un peu, pour répondre à cette question centrale, finalement, est-ce que c'était vraiment une phase de crise pour ce parti, oui ou non? A-t-il joué un rôle dans le renouveau? Est-ce que tout s'est passé avant? Est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et vous commencez à amener quelques éléments de réponse, même s'il est normal que ce soit un peu confus dans votre esprit, parce que quand on fait une thèse, en plus, à côté, vous êtes enseignant, donc c'est compliqué, vous n'avez pas la disponibilité... quotidienne pour fouiller tout ça rapidement, et donc il faut du temps et il faut laisser le temps de la réflexion. Pour expliquer un peu, recontextualiser votre recherche. On peut commencer. Allez-y. Donc, il y a des documents pour les thèses. Tu ferais venir. Moi, j'ai bien aimé la perspective. Alors moi, j'étais plus un anthropologue du politique. Je vous ai jamais eu en cours, mais je sais, j'ai été étudiant ici à un moment, donc je sais qui vous êtes. Donc moi c'est à la fois militant, mais aussi enrichi par ma propre histoire de vie, puisque mon père était attaché à la SFIO, mais en Oumami-Chari. Excusez-moi. D'accord. Oui, moi aussi, j'ai la famille qui a été là. Alors moi, c'est intéressant. Je pense plutôt, comme la période est choisie, de voir un peu la dialectique des causes internes et externes. Parce que quand vous choisissez 59-69, il y a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc, quelles sont les conséquences sur le pays socialiste? Parce que, je me souviens, on a fait sur les décolonisations avec Coquille Vidrovitch qui était venu, c'est qu'il y a, les deux Frances. La France de Vichy, occupée par... qui est avec l'Allemagne, et la France de De Gaulle, une partie à Brazzaville. La question de la France libre, c'est Brazzaville, en 1940. Donc j'ai des discours aussi, ça peut intéresser, de De Gaulle à Brazzaville en 1944 et en 1958, que j'ai avec moi dans mes archives. Ça peut intéresser, comme effectivement, à partir de là, la question algérienne, la décolonisation, garçon de fer sur le discours de garçon de fer, plutôt le document sur. L'indépendance des colonies, parce que c'est pour le problème. Après la libération des pays asiatiques, comment les pays africains qui ont participé à la lutte contre le fascisme, comment accéder à l'indépendance? Et ça divisait aussi le socialisme. Donc, le Front Populaire, puisqu'à l'intérieur, avec tout le débat, l'Algérie, le Congo, etc. Bon. Donc, c'était de, je ne sais pas si dans quelle mesure ça peut nous servir voilà, pour comprendre toutes les alliances au sein de la PS 69, parce que n'oublions pas que dans le front antifasciste, il y avait non seulement les communistes, les socialistes, mais aussi il y a des droites, enfin, les nationalistes français, dont les gaullistes. Et il y a quelque chose qui a, vous avez rapidement évoqué ça sur la laïcité, tout le groupe de la franc-maçonnerie qui a joué un rôle important, que ce soit à gauche, à droite, mais, bon, c'est moi je pense qu'il faut exploiter, et, parce que déjà, quand je prends que c'est un jeu qui a joué beaucoup dans l'Afrique centrale, imaginez pour l'Afrique occidentale française qui était pro-fichiste, l'Afrique occidentale française qui était pro-gaulliste, et ce qui a joué à l'intérieur, et aussi tout le réseau maçonnique, dont Félix Éboué, Guyanais, qui était à Brazzaville, le général, choses qu'on sait qui sont encore vives dans ma tête parce que je vois ça un peu les questions. Voilà. Est-ce que ça peut servir ou pas? Les archives coloniales de Marseille, est-ce que ça peut servir? Je ne sais pas. Et enfin, on a fait un colloque à Cerisier-la-Salle en 2010, pour Payon, c'est peut-être le ministre, qui est dirigé par Payon sur le socialisme. Je sais, oui. Donc voilà, on avait écrit. Il y a un livre. Avec Diego, on a fait un colloque sur le socialisme, notamment l'influence du socialisme européen sur l'Afrique, et vice versa. On a fait un article, déjà l'article de Bacla, j'ai la version. Je vous l'envoyer, mais c'est sorti un livre. Hein. Oui, je sais, oui. Bon. Non, mais non, enfin. Voilà. Oui, oui. Voilà, oui, c'est vraiment. Toi, c'est riche. Et pour l'anthropologue, c'est important de voir le rôle du jeu d'acteur. Les acteurs à l'intérieur de la gauche, enfin des gauches. Et puis c'est vrai, le CRS, les documents, on a perdu.